Dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, grand, grand, grand comme le vent. Et je suis douce comme l'eau. Et je suis tendre, tendre, tendre, tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire. Mes amants sont beaux comme les arbres fous. Mes deux amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Toute bonne chose a une fin et c'est ainsi que se termine ce tour de chant qui vous parvenait ce soir directement de l'Auditorium du Four à Chicoutimi. Ici Radio-Canada.